Chapitre 5e. Dès que nous fûmes assis dans l'auto, Paulin Broquet, à son habitude, roula une cigarette, l'alluma et en tira quelques bouffées silencieusement. D'un petit coup sec du doigt, il fit tomber la cendre et, se tournant vers moi, il me dit de son ton le plus calme « Eh bien, mon cher, ça y est. Qu'est-ce qui est? Je les tiens. Vous les tenez? Mais qui donc? Mais eux tous. Mais qui tous? Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Tous ceux après qui nous courons, tous ceux qui nous intéressent, tous ceux qui sont mêlés à ce drame du New World Herald, Devon Bridgeport, pas celui-là, nous l'avons déjà. Et en somme, ce pauvre Devon n'a qu'un rôle primordial, c'est vrai, mais si j'ose dire un rôle de contre-coup, il est lui, une victime de l'affaire. Ce n'est pas ces gens-là que nous cherchons. Je ne comprends pas. Serait-ce par hasard Miss Stella Starring? Parfaitement. Mais elle vient de s'en aller. C'est justement pour ça que je la tiens. Vous me parlez par énigme. Je tiens aussi l'étrangleur de ce pauvre Devon Bridgeport. C'est l'officier américain. Nous verrons. Paulin Broquet, du coin de son œil malicieux, suivait l'énervement que me causaient ces paroles sibyllines. Puis, tirant une nouvelle bouffée de sa cigarette, il me dit « Mon cher ami, Miss Stella, Mme Doty et l'officier américain sont partis de l'hôtel Columbia. » Nous le savons. Nous l'avons vu, c'est certain. Oui, mais on ne sait pas où ils sont allés. C'est exact. Ils sont partis sans laisser d'adresse, selon le cliché habituel. Parfaitement. Où donc ont-ils pu se rendre, à votre avis? J'avoue que je ne vois pas. Vous admettrez tout de suite, cependant, que l'office américain n'a pu emmener et Mme Doty et Miss Stella dans une caserne quelconque. Je l'admets. Alors, rappelez-vous comment ont été faites précipitamment les malles. Le linge sortait des courroies. Les valises n'étaient pas bien ficelées. Je me souviens des déclarations d'Amélie. Cela nous indique que ces malles et ces valises n'étaient pas préparées pour faire un long voyage. La déduction logique est que Mme Doty, Miss Stella et l'officier américain n'ont pu aller bien loin. C'est juste. Par conséquent, je crois que Miss Stella n'a pas dû quitter Paris. D'un autre côté, Miss Stella est habituée à un certain luxe. Elle a probablement recherché un hôtel convenable. L'officier américain ne doit pas connaître quantité d'hôtels en dehors de ceux que les voyageurs de la classe de Miss Stella connaissent. Leur nombre est assez limité. Tous ces hôtels sont dans une périphérie ou, si vous le préférez, dans un secteur contenu, en somme, entre la rue Royale, la rue de Rivoli, les Champs-Élysées et l'Étoile. Vous voyez que ce n'est pas le diable à pouvoir aller les dénicher là. C'est juste. Ce ne sera pas un travail formidable. Et nous n'aurons même pas besoin de nous en occuper nous-mêmes. Comment cela? Miss Stella n'est pas une inconnue. Admettez que Mme Doty s'inscrive sur le registre de l'hôtel, ce qui est une formalité obligatoire sous son vrai nom, et est désignée Miss Stella comme sa fille. Elles ne pourront pas passer incognito tout de même. C'est vrai. D'un autre côté, l'office américain, s'il demeure dans un hôtel et qu'il est emmené précisément Miss Stella dans l'hôtel qu'il habite, il ne peut, lui, donner un faux nom, se cacher et dissimuler sa présence. Son uniforme, quand il le met, l'empêche également de passer incognito. Vous avez raison. Par conséquent, je n'aurai qu'à envoyer un de mes hommes faire le tour des hôtels ou se renseigner à la préfecture, consulter la fiche des voyageurs étrangers, et nous saurons tranquillement où Miss Stella est descendue, où elle s'est réfugiée et où elle croit si bien se cacher. Mon cher ami, encore une fois, vous avez tout à fait raison. Paulin Broquet garda encore le silence. Au bout d'un court moment, je lui demandai. Mais vous m'aviez dit que vous le teniez tous, c'est vrai. Jusqu'à présent, vous ne les tenez pas tous. Je ne vois pas, même en connaissant l'hôtel où s'est réfugiée Miss Stella, que vous puissiez tenir tous les acteurs de ce drame du New World Herald. Vous oubliez mon cher la housse du coussin. La housse du coussin que vous avez pris sur le fauteuil où l'officier américain s'était trouvé mal? Parfaitement. Elle est dans ma poche. Et c'est elle. Cette simple housse qui me sert comme un vaste filet à grouper tout le monde. J'avoue cette fois, lui dis-je, que je comprends encore moins. Paulin Broquet se mit à rire. Quel pauvre élève j'ai là! S'écria-t-il. Et comme je suis désespéré des mauvaises leçons que je lui donne, puisque, ayant vu tout cela, vous ne comprenez encore rien. Il ajouta en riant plus fort. Mon cher, c'est à penser qu'au lieu d'être l'élève de Paulin Broquet, vous êtes le secrétaire de M. Barentin. Puis il ajouta, redevenant sérieux, « Est-ce que vous croyez que j'ai emporté la housse du fauteuil comme souvenir ?»« Non. Je me doute, que vous devez avoir une raison sérieuse pour cela, et je pense, ici je redeviens l'élève de Paulin Broquet, je pense que ce sont les traces du remède qui a coulé du flacon qui vous ont fait prendre cette housse et la rouler dans votre papier et la mettre dans votre poche à côté du petit paquet de boue que je n'oublie pas non plus. Paulin Broquet me donna sur l'épaule une tape amicale en s'écriant « Enfin, je retrouve en ce moment mon élève !» Il reprit « Vous m'avez vu tout à l'heure sentir la housse parfaitement. Et je crois que vous avez dû découvrir dans la senteur qu'elle recelait une senteur que vous connaissiez déjà, qu'il vous était extrêmement utile de retrouver ici. Vous avez deviné. En effet, cette housse garde la même odeur que le bout de journal vieux de 35 ans que le tapis du bureau de New World Herald et que le morceau du plastron de la chemise de David Bridgeport. Je comprends maintenant. Nous allons en conclure que du moment que l'officier américain avait dans la poche un flacon qui sentait ce que sentent le bout de journal, le tapis et le plastron de la chemise, c'est le même flacon qui a été renversé et dans le bureau du New World Herald et dans l'appartement de Miss Stella Starring. Exact. Et à moins d'un hasard extraordinaire, et je dois dire que je considère comme impossible, je déduis que celui qui promenait sur lui cette bouteille contenant un remède, a dit la femme de chambre, ayant ce parfum, est le même homme que celui qui a étranglé David Bridgeport et qui s'est trouvé mal chez Stella Starring. Vous avez raison. Donc, c'est un officier américain, habillé en civil, je l'accorde, qui s'est présenté au New World Herald, et c'est un américain habillé en officier qui se trouvait chez Miss Stella Starring. C'est le seul et même homme. Nous n'aurons plus maintenant qu'à savoir pourquoi il est venu au New World Herald, pourquoi il a étranglé David Bridgeport, pourquoi il a déchiré une page du journal de la collection, et pourquoi aussi il est venu chercher Miss Stella Starring, l'a entourée de fleurs, l'a emmenée dans un endroit où elle a mis tant de bois à ses souliers, pourquoi il s'est trouvé mal chez elle, et pourquoi il l'a enlevée de cet hôtel où il se trouvait très bien. Peut-être le savez-vous déjà. N'allons pas plus vite que les violons. N'avançons rien sans en être sûr. Nous avons, dans cette enquête, déjà fait d'assez grands pas pour ne pas nous bousculer, nous mettre à courir et peut-être tomber sur un bec de gaz. Je considère que nous en savons assez pour être contents de notre travail. Il ajouta en riant, « J'ai même envie maintenant, avant de rentrer, d'aller réveiller le juge d'instruction, cet excellent M. Barentin, pour lui dire que je connais l'auteur de l'attentat du New World Herald. Inutile, mon cher, M. Barentin ne vous croirait pas. Il a classé l'affaire, donc elle n'existe plus. Alors laissons-le dormir et rentrons chez nous. » Comme nous montions l'escalier de la maison de Paulin Broquet, nous entendîmes des cris et du tapage. « Bon, » dit Paulin Broquet, « il y a du mouvement là-haut. Pourvu qu'il ne m'abîme pas trop de choses dans mon atelier. » Nous nous mîmes à grimper au plus vite les derniers étages. Peu après, nous pénétrions dans l'appartement du détective qui était absolument plein de hurlements, de vociférations, de cris et d'injures en américain. La voix de Raymond essayait de dominer ses cris en hurlant plus fort. « Mais taisez-vous donc ! Il y a des voisins ici, on n'est pas dans le Far West !» Et le bruit recommençait de plus belle. Enfin, Paulin Broquet ouvrit la porte de son studio. Un spectacle étrange s'offrit à nos regards. Dans le studio, tout était en désordre. Les meubles étaient renversés, les chaises sans dessus-dessous, les objets cassés à terre. On eût dit d'un champ de bataille. Paulin Broquet, en ouvrant la porte, s'écria « Vous en faites du tapage !» Raymond se tourna vers lui et lui dit « Ah, chef, vous faites bien d'arriver. Nous n'en venons pas à bout, je crois qu'il est enragé. » Raymond avait la figure tuméfiée, il épongeait son nom qui saignait avec un mouchoir déjà tout rouge, il reniflait comme renifle un boxeur sur le ring. Quant à Firmin, il avait les habits à moitié déchirés et s'épongeait aussi le nez endommagé. Sur le canapé, lit de repos, Harry hurlait toutes les injures du répertoire américain et elles sont nombreuses. Il se débattait, se tordait, mais enfin était réduit à l'impuissance. Lui aussi portait sur la figure les traces rouges d'une bataille qui n'avait pas dû être ce qu'on appelait, en termes de ring, un assaut au chiquet. Étendu sur le lit de repos, il avait au poignet des menottes d'acier et ses pieds étaient ficelés avec une corde. Paulin Broquet regardait en riant ces deux hommes et leurs victimes. « Vous avez suivi mes instructions et je vois que ça n'a pas été précisément commode. Je m'en doutais. Mais encore une fois, force est restée à la loi. Alors tout va bien. » Raymond, rapidement, dit à Paulin Broquet, « Quand ce diable sortit de son évanouissement, il se mit dans une colère folle. Nous avions beau lui dire de rester tranquille, il nous criait que les Français ne savaient pas arranger les affaires des Américains. Paulin Broquet, en riant, murmura. « Il a peut-être raison. Mais les Américains arrangent trop à leur façon les affaires des Français. » Et il dit à Raymond, « Continue. » Il eut d'abord un accès de désespoir, nous criant que sa vie était perdue, que son bonheur était brisé, et il a voulu tout casser ici. Ce n'est pas un moyen, en effet, d'arranger la situation. Il nous tenait par le cou, Firmin et moi, chacun à notre tour, nous criant comme un sourd qu'il allait briser, écrabouiller la tête de tous les officiers américains qu'il rencontrerait dans Paris. Puis après, comme nous l'empêchions de sortir, il a voulu tout bonnement sauter par la fenêtre. Nous lui avons dit que bien que les maisons à Paris n'avaient pas 46 étages, que tout de même les trottoirs étaient faits de mortier solide, que les os d'un Américain ne pourraient pas tenir dans une chute du 5e étage seulement. Cependant, nous l'avions empêché de trop s'aventurer par la fenêtre. Alors il devint comme un fou, et il a dit qu'il allait commencer par nous casser la tête à nous, en attendant le tour des officiers américains. Paulin Broquet écoutait en riant ce rapport. Bref, pour le faire rester tranquille, l'empêcher de sauter dans la rue, le garder dans l'appartement, suivre vos ordres, Firmin et moi, nous avons dû nous jeter sur lui. Et la bataille a commencé. Vous envoyez, chef, les traces, qui vous permet de remarquer qu'on n'a pas fait joujou. Oui, oui, dit Paulin Broquet. Je m'en rends compte. Et toi, Raymond, qui passe pour un excellent boxeur, tu as dû être content. Est-ce qu'il est un adversaire raisonnable? Admirable. J'aurais mis très longtemps à en venir à bout si Firmin, qui était déjà allé à terre, n'avait eu l'adresse avec une corde d'entourer les jambes de Harry et de le ficeler. Harry est tombé à terre. Je lui passais les menottes. Nous l'avons définitivement attaché, comme vous le voyez, et le voilà qui continue à rager comme un damné. Paulin Broquet approcha du lit de repos. « Eh bien, mon garçon, » demanda-t-il. Harry le regarda avec ses yeux furieux. Il cria encore quelques injures formidables, puis tout à coup il éclata de rire. « Je vais bien. Ça va très bien. Mais faites-moi enlever les ficelles. » Et pendant que Paulin Broquet lui-même lui détachait les menottes, il lui demanda vivement. « Oh, Paulin Broquet! Et Stella, Stella !» Très calme, en riant, Paulin Broquet répondit « Stella, elle va bien, elle va très bien. » « Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé ?» « Non, je ne lui ai pas parlé, je ne l'ai pas vu. » « Alors comment savez-vous ? » ?»« Parce que je l'ai appris, et que je suis certain qu'elle est en parfaite santé, très tranquille, et que, comme vous le disiez tout à l'heure, de son côté, tout va bien. » Harry s'écria. « Mais puisqu'elle n'est plus à l'hôtel, qu'elle est partie ?»« C'est une étoile filante, » dit tranquillement Paulin Broquet. « Mais elle a pu filer très loin, je ne la reverrai plus. » »« Non, elle n'est pas allée loin. » »« Vous connaissez son adresse ? » ?»« Pas du tout. » Mais alors, comment savez-vous qu'elle n'est pas allée loin? Parce que j'en suis sûr. Et Paulin Broquet, allant d'un coup au-devant de toutes les questions que le fougueux amoureux pouvait lui poser, dit « Restez tranquille, ne bougez pas, écoutez-moi. Miss Stella n'a pas quitté Paris. Elle est avec Mme Doty dans un nouvel appartement, que je ne connais pas encore, mais ça n'a pas d'importance. » « Et l'officier américain ?» demanda vivement Harry. « Lui, il doit habiter dans un cantonnement. » Je ne sais pas où, et ça n'a pas d'importance encore. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Je vous répète que je ne connais pas leur adresse, mais je vous affirme que c'est un détail qui se réglera demain. Mais alors? Eh bien, demain, vous pourrez aller à l'hôtel Columbia. À l'hôtel Columbia? S'écria Harry. Mais puisque Stella n'y est pas, qu'est-ce que j'irai y faire? Vous irez voir Amélie. Amélie, la femme de chambre? Parfaitement. Est-ce que vous croyez qu'Amélie va remplacer Stella? Je ne le crois pas. Mais Amélie pourra vous donner les preuves du grand amour que Stella ne cesse d'avoir pour vous. Vous en êtes sûr? C'est vous, Paulin Broquet, qui me le dites. Je l'affirme. Harry, rayonnant de bonheur, se leva d'un bond. Debout maintenant, sautant à cloche-pied, il vint à Paulin Broquet, les mains tendues. Paulin Broquet et lui échangèrent alors une de ses poignées de main cordiales à arracher les bras des épaules. Sur un signe de Paulin Broquet, Raymond, en un clin d'œil, débarrassa Harry de ses entraves. Il le déficela, enleva toutes les cordes qui le retenaient non sans mal. Alors, comme un collégien fou de joie, Harry se mit à chanter le chant de triomphe d'Harvard et à danser le pas de gloire des Sioux. Paulin Broquet le laissa faire, pensant que les voisins qui en avaient assez entendu pouvaient encore entendre ce bruit joyeux. C'était toute la spontanéité, toute la force du tempérament américain qui se manifestait. C'était là un des traits du caractère de ce peuple nouveau, où les hommes, heureusement, gardent toujours un peu de leur âme d'enfant. « Halt, stop !» disait Paulin Broquet, en essayant d'arrêter cette manifestation bruyante de joie excessive. « J'ai des voisins, vous allez les réveiller. » En riant, Harry répondit. « S'ils dorment encore, c'est qu'ils ont vraiment le sommeil dur. » Ils doivent être éveillés, certainement, mais ils ont besoin de dormir. Pas du tout. S'ils sont éveillés, qu'ils viennent. Allez les chercher. Faites-les tous monter ici. Nous allons boire le champagne. » Dans sa joie, Harry eut fait venir tout Paris dans le studio. Paul Broquet finit, non sans mal, par le calmer. Il affirma n'avoir pas de champagne chez lui. Il en ferait monter pour la prochaine fois. Cependant, après les courses que nous avions faites, et après la bataille dont son studio avait été le théâtre, il déclara avoir besoin d'un réconfortant. « Moi aussi !» cria Harry. « Et vos deux collaborateurs aussi !» Il alla serrer les mains de Firmin et de Raymond. « Ne m'en veuillez pas !» leur dit-il. « On s'est bien battus. Ça va très bien. Vous êtes de braves gens, et moi aussi. On va boire quelque chose. » Il dit à Paulin Broquet, « Faites apporter ici tout ce que vous avez de bon à boire. » Paulin Broquet lui répondit, « Je n'ai pas grand-chose à boire, mais je vais préparer un bon grog de ma façon. »« Un cocktail !» s'écria Harry. « Je vais vous aider. Je suis maître dans les cocktails, et vous ne trouverez un autre que moi pour secouer le shaker. »« Non, restez là !» dit Paulin Broquet. « Ou plutôt, allez avec Firmin dans mon cabinet de toilette. Vous nettoyez un peu la figure et vous mettre en état présentable. »« Vous avez raison, Firmin. Allons nous laver. » Paulin Broquet sortit avec Raymond. Peu après, il entrait dans le studio où déjà se tenait Harry, qui s'était débarbouillé et qui avait enlevé toutes les traces de la partie de boxe. Derrière Paulin Broquet, Raymond entra, portant sur un plateau de grand verre et une carpe de cristal pleine d'un liquide dont la couleur était déjà appétissante. « Quel dommage !» dit Harry en regardant, « que vous ne m'ayez pas laissé faire un cocktail américain. Ça a l'air, ça, d'être un cocktail français un peu trop cousin de la limonade. »« Ne dites rien !» répliqua Paulin Broquet, avant d'avoir goûté. « Vous avez raison. » Paulin Broquet fit déposer le plateau sur un coin de la table de travail qui, elle, lourde et massive, n'avait pu être renversée par le terrible boxeur. Il emplit les verres, en passa un à Harry, il en fit autant pour Firmin, Raymond et moi, et en prit un lui-même. On trinqua cordialement. On but à la santé des uns et des autres, et au bonheur de tous, y compris celui de la jolie absente Stella Starring. Paulin Broquet emplissait lui-même les verres et les distribuait. « Ce n'est pas mauvais du tout », finit par déclarer Harry. Quand la carafe ne contint plus rien, Paulin Broquet dit à Harry, « Maintenant, comme vous ne pourrez rien faire, rien tenter, ni risquer une nouvelle folie avant demain matin, vous allez très sagement rentrer chez vous. Vous croyez que c'est nécessaire ? C'est indispensable. Raymond vous accompagnera. Ma voiture est en bas. » En riant, Harry donna un énorme coup de poing sur l'épaule de Raymond et lui dit « Allons, mon garçon, vous allez être ma nurse. » Paulin Broquet reprit « Demain matin, vous ne bougerez pas de chez vous. Vous attendrez que je vous ai fait signe. Dès que je saurai quelque chose de nouveau, je vous préviendrai. Bonsoir et bonjour. Soyez calme, mon ami, dormez bien. » Raymond entraîna Harry, qui après les dernières poignées de main, se retira docilement. Quand nous entendîmes la porte de l'appartement se refermer, Paulin Broquet, en souriant, me dit « Malgré son tempérament de feu, malgré son exubérance, je crois qu'avec ce cocktail limonade que je lui ai fait prendre, il ne se réveillera pas avant 4 ou 5 heures du soir demain. Nous aurons donc le temps de travailler tranquillement. »